J'oubliais le monde qu'on devait faire mal à moi. J'oubliais le monde qu'on devait faire mal à moi, mal à moi. J'oubliais les mauvais.